Depuis des lustres, vous vous interrogez sur le problème des pavages du plan par des pentagones convexes. Soyez heureux, cet épineux problème vient d'être résolu par un mathématicien français grâce au grand géomètre qu'est l'ordinateur. Frustré par le silence des prises de vue sur Mars, patientez. Le nouveau robot embarqué par la NASA à bord de la mission Mars 2020 donc, sera équipé d'un microphone ultra perfectionné pour enregistrer l'environnement sonore de la planète rouge. Enfin, vous vous demandez certainement comment mesurer la conscience. La réponse est peut-être l'analyse de l'activité électrique du cerveau juste après une simulation électrique. Pavage du plan, capture du son sur Mars et mesure de la conscience font partie du menu d'aujourd'hui de la méthode scientifique. Et pour vous servir ces plats préparés avec un goût de la science inimitable, nous avons le bonheur de recevoir l'équipe de fins cuisiniers de la vulgarisation scientifique, composée aujourd'hui de Cécile Lestienne du magazine Pour la Science. Bonjour Cécile. Olivier Lascar de Science et Avenir. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour à tous. Et Robin Jamais, médiateur scientifique au Palais de la Découverte, rédacteur de la rubrique Magique Math du mensuel Science et Vie. Bonjour Robin. Bonjour. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour de la semaine en direct sur France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Avant de retrouver notre équipe de journalistes scientifiques, il est l'heure du journal des sciences par Zoé Sfez. Bonjour Zoé. Bonjour Michel, bonjour à tous. Le journal des sciences. Élons-nous ce journal avec cet article paru dans la dernière édition des comptes rendus de l'Académie américaine des sciences, les PNAS, qui indique que la vie était déjà présente sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, Zoé. Oui, et c'est plutôt qu'on le pensait. Les chercheurs des universités de Californie et du Wisconsin qui publient ce travail, cette découverte, ont travaillé sur des microfossiles vieux, donc de près de 3 milliards et demi d'années, découverts en Australie en 93, et ils ont identifié l'empreinte, les signatures chimiques de 11 spécimens microbiens qui mesurent à peine 0,01 mm de largeur, après avoir établi leur nature organique, puis leur composition carbone. William Schopf, professeur de paléobiologie à l'Université de Californie, qui est le principal co-auteur de cet article, et ses équipes ont surtout pu identifier leur signature chimique grâce à une nouvelle technologie de spectrométrie de masse, comme il me l'expliquait hier par téléphone. The cellularity and their carbonaceous composition tells you that they're actually good fossils and they're inside the rock. La composition cellulaire et la composition carbone sont des informations importantes, mais cela ne nous dit pas de quel type d'organisme il s'agit, ni de quoi il vivait. Et pour cela, nous avons utilisé une troisième technologie de spectrographie de masse, baptisée SIMS, qui permet de déterminer les isotopes de ces organismes. And the ratios between those isotopes tells you about how the organisms lived. Et en étudiant le ratio entre ces isotopes, on est capable de comprendre comment ces organismes vivaient. Nous avons étudié 11 spécimens de ces microfossiles. Et ce que nous avons découvert, c'est que deux de ces espèces étaient des espèces photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles utilisaient l'énergie solaire pour synthétiser de la matière, mais ne produisaient pas encore d'oxygène, comme le font aujourd'hui les plantes. C'est donc une forme primitive de photosynthèse. So they're very primitive. Now that's two of the species. A third species, they're not even bacteria, they're called archaea. Nous avons identifié une troisième espèce qui, elle, n'est même pas une bactérie, mais une archée, c'est-à-dire un organisme unicellulaire, sans noyau, qui produisait du méthane. Elle transformait le CO2 en se servant de l'hydrogène présent dans l'atmosphère pour faire du CH4, c'est-à-dire du méthane. Et enfin, nous avons identifié deux autres espèces qui, d'après leur isotope, consommaient ce méthane. Le méthane qui, selon William Schopf, devait former une partie importante de l'atmosphère de la toute jeune Terre, qui était fréquemment bombardée par des comètes et où l'oxygène était rare, voire absent, c'est l'une des questions qu'on se pose. Cette étude laisse donc penser que la vie pouvait déjà être présente à ce moment-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces micro-organismes aujourd'hui éteints sont pour certains très similaires à certaines espèces microbiennes encore existantes. Toujours pour William Schopf, ces informations nous poussent à repenser totalement la manière dont nous comprenons aujourd'hui l'apparition de la vie sur Terre. So now we've got three different types of organisms. They're all near the bottom of the tree of life. Nous avons trois types d'organismes qui sont tous tout en bas de l'arbre de la vie et qui ont donc 3 milliards 65 millions d'années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en septembre dernier, nous avons aussi présenté dans un autre article d'autres microfossiles, vieux cette fois de 3 milliards 400 millions d'années, donc plus jeunes seulement de 65 millions d'années. All right, well, that's a fourth major group of organisms. They're all physiologically different from the other ones. Et nous avons pu identifier que ces organismes plus jeunes étaient, eux, des bactéries sulfato-réductrices. Cela fait donc quatre groupes d'organismes, tous physiologiquement différents, et qui tous font partie des formes élémentaires de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans doute que la vie a commencé sur Terre très tôt, sans doute bien plus tôt que nous ne le pensions, peut-être il y a plus de 4 milliards d'années. On l'ignore, car on n'a pas de preuves directes. Mais ce que l'on sait, c'est que le fossile le plus vieux que nous ayons trouvé, et il sera difficile de trouver plus vieux, contenait déjà quatre formes de vie. Et qui sait, peut-être même plus, mais nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus. La vie a donc évolué très très tôt, de manière bien plus complexe et aussi beaucoup plus rapide que nous ne le pensions, et qu'il n'a pas été si difficile que cela pour les formes primitives de vie sur Terre d'évoluer vers des formes de vie plus avancées. Voilà, et en bref, les chercheurs du Qatar Exoplanet Survey ont annoncé en début de semaine avoir découvert une nouvelle exoplanète baptisée Qatar 6b. Elle est de la famille de Jupiter, mais moins massive que le géant gazier de notre système solaire. Elle orbite autour de son étoile parentale tous les 3 jours et demi à une distance d'environ 0,04 UA de l'autre. UA, je rappelle que c'est la distance Terre-Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. En bref, toujours, la NASA a annoncé mercredi avoir retenu 2 concepts d'exploration robotique du système solaire parmi 12 soumis par différentes équipes scientifiques. L'un porte sur l'exploration d'une comète et l'autre sur l'envoi d'une sonde vers Titan, la plus grosse lune de Saturne, mais l'agence spatiale américaine va devoir, à l'issue d'études plus poussées, choisir entre l'un et l'autre de ces deux projets. Enfin, la Chine, elle, annonce qu'elle va entreprendre la construction de 2 réacteurs nucléaires qui utilisent les sels fondus à la place de l'eau pour leur refroidissement. Ils vont être installés dans le désert de Gobi. Sur le papier, cette technologie peut produire près de 3 fois plus de chaleur que les réacteurs nucléaires qui existent à base d'uranium, avec un air chaud qui dépasse les 800 degrés. Les applications envisageables sont vastes, que ce soit dans le civil et bien sûr dans le militaire. On sait que les autorités chinoises veulent exploiter cette avancée pour propulser des navires de guerre, mais aussi et surtout des drones. Et vous consacrez votre deuxième sujet, Zoé, à cet algorithme mis au point par des physiciens de l'ENS Lyon qui représente un véritable saut méthodologique dans le calcul des événements climatiques extrêmes. Le CNRS a annoncé avoir publié, toujours dans la revue PNAS, une étude qui présente donc un algorithme génétique capable d'améliorer considérablement le calcul de probabilité d'événements climatiques extrêmes comme les canicules ou les ouragans comme Harvey, dans le contexte qu'on connaît du dérèglement climatique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'un saut méthodologique? Parce qu'aujourd'hui les modèles de climat qui sont utilisés par les institutions comme les États ou le GIEC, mais aussi par les assureurs, parce qu'ils sont concernés, fonctionnent très bien pour appréhender les événements climatiques typiques, mais ne permettent pas de prévoir des événements extrêmes. C'est ce que m'expliquait Freddy Boucher, physicien à l'ENS Lyon, co-auteur de cet article et artisan donc de cet algorithme. Une des difficultés majeures liées à ce problème, c'est que ces événements extrêmes, ce sont les plus rares qui sont les plus importants. Par exemple, la canicule de 2003 en France a causé 70 000 décès prématurés. Et donc c'est un seul événement dans toute l'histoire qui est la cause de l'ensemble des morts qui ont été observées à cause des canicules. Et donc ces événements qui sont extrêmement rares sont très peu simulés par les modèles. C'est-à-dire qu'on fait tourner un modèle extrêmement longtemps, on observe que très peu de ces événements rares. Donc le but, c'est de faire des simulations dans lesquelles on réduit considérablement le temps consacré à l'étude des cas typiques. On utilise un algorithme qui fait partie d'une famille d'algorithmes qu'on appelle des algorithmes génétiques, qui regardent les morceaux de trajectoires simulés par des modèles comme une population. Et ces trajectoires vont être sélectionnées à partir de certains critères, de la même manière qu'une population est sélectionnée dans la nature. Cette sélection, ensuite, permet de reproduire des trajectoires et d'en éliminer certaines. Donc, rapidement, on obtient un ensemble de trajectoires qui va reproduire uniquement des extrêmes et on n'obtient plus les simulations typiques. Donc ceci permet de gagner un temps de calcul énorme. Par exemple, nous avons appliqué ça pour l'étude des canicules extrêmes en Europe et nous avons obtenu un gain d'un facteur 100 à 1000 sur les temps de calcul nécessaires pour calculer ces événements. Et en bref, une étude parue hier dans la revue Science lit changement climatique et migration et prévoit une hausse de 188% des demandeurs d'asile en Europe d'ici à 2100 sur la base uniquement de la question des températures, puisque la Terre pourrait, je le rappelle, si elle continue à se réchauffer à son rythme actuel, augmenter entre 2,6 et 4,8 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Il reste des inconnus. Et donc cette étude qui se base uniquement sur ces variables-là ne prend pas en compte la situation géopolitique des pays. Paris donc sur 660 000 demandeurs d'asile en plus en Europe. La revue Science qui a désigné dans cette même édition d'hier que son comité scientifique a découvert, donc a désigné la découverte de l'année 2017, c'est l'observation en août dernier de la fusion de deux étoiles à neutrons qui a permis pour la première fois de capter simultanément des ondes gravitationnelles et électromagnétiques. La revue Science salue une découverte qui a permis, je cite, de confirmer plusieurs modèles clés de l'astrophysique, de révéler l'origine de nombreux éléments lourds de la matière et de vérifier la théorie générale de la relativité d'Einstein comme jamais auparavant. Et pour conclure ce journal des sciences, Zoé, notre rubrique improbabologie, vous avez vu, c'est encore plus improbable, on a du mal à le dire. À prononcer. Donc qui, cette fois encore, mérite bien son nom. Mérite bien son nom puisque, oh oui, je suis en mesure de vous le dire, en tout cas, ce n'est pas moi, mais certains vous le disent, les macaques et les cervidés ont des relations sexuelles entre eux de plus en plus, en tout cas au Japon. Cela arrive assez souvent, c'est en substance ce qu'indique une surprenante étude menée par des chercheurs de l'université canadienne de Lethbridge en Alberta. En janvier 2017, au début de l'année, un cas isolé de macaque mâle qui montait une biche avait été observé et filmé sur l'île de Yakushima. On pensait peut-être qu'il s'agissait d'un cas isolé, mais non. Ces chercheurs confirment avoir observé des comportements sexuels entre des femelles macaques qui viennent se frotter contre des cerfs. Ça se passe au Japon. Ils ont observé ça au total 257 fois cette année. Après le viol d'un pingouin par un phoque en 2014, c'est seulement la deuxième fois qu'on peut observer des pratiques sexuelles entre deux espèces aussi différentes. Mais dans le cas des macaques et des cerfs de cette île de Minou, les chercheurs pensent que ça pourrait être le début d'une nouvelle pratique, même si pour l'instant, chez les cervidés, il n'y a que les mâles qui sont d'accord pour faire ça. Et les biches, elles, refusent pour le moment de se laisser faire. Bon, une affaire à suivre, donc merci à Zoé Svez et rendez-vous le 5 janvier 2018. Avec plaisir. Votre prochain journal des sciences. Nous retrouvons nos invités, Cécile Lestienne, Olivier Lascar et Robin Jamais. Alors peut-être des réactions sur les sujets du journal des sciences de Zoé qui veut ouvrir le feu. Voilà. Eh bien, Cécile, je réagirai sur ce nouveau record des plus vieux organismes terrestres. C'est toujours intéressant. On a toujours envie de savoir effectivement comment est née la vie sur Terre. Au-delà du record de l'âge, voilà, ça pose toutes des questions, aussi des questions sur où. Parce qu'après tout, où sont nés ces premiers micro-organismes? L'hypothèse la plus en vogue, c'est que ce sont dans des sources hydrothermales au fond des océans. Mais il y a des hypothèses concurrentes, des radeaux de pierres ponces flottant sur les océans, des systèmes de mares et de geysers sur les flancs des volcans. Et voilà, et la question n'est pas tranchée, c'est toujours intéressant. Et si on arrivait à la trancher, ça peut-être changerait notre façon d'aller regarder où a pu naître la vie ailleurs dans l'espace. Par exemple, sur Mars. Par exemple. Où on continue à la chercher en analysant les prélèvements faits par les robots qui sont sur place et dont nous allons reparler puisque d'autres robots vont venir tenter également leur chance. Une autre réaction peut-être. Oui, moi je veux bien réagir sur les algorithmes pour les ouragans. Forcément, les algorithmes, ça me parle en tant que matheux. C'est une question qui se pose de plus en plus à propos des sciences, à propos des maths en particulier, mais de toutes les sciences, avec tout ce qui est algorithme, que ce soit génétique ou autre, ou deep learning, ou toutes les choses qui sont très en vogue en ce moment, qui se développent à toute vitesse. Il y a toujours la question qui se pose et qui va se poser dans le sujet que je vais aborder tout à l'heure de est-ce qu'on veut juste décrire ou est-ce qu'on veut comprendre? Et là, c'est vraiment quelque chose où finalement, on s'arrange pour trouver une façon de décrire ces événements extrêmes, mais on abandonne un peu l'idée de comprendre pourquoi ils se forment, quoi. Alors là, en l'occurrence, il a permis... Frédéric Boucher avance une thèse, il explique que son algorithme a permis de comprendre des corrélations qu'on avait identifiées ou pas forcément. En l'occurrence, par exemple, que les canicules extrêmes en Europe seraient corrélées avec des périodes chaudes en Amérique du Sud et en Asie et des périodes froides en Russie, en Groenland. En tout cas, lui, voilà, défend cette vision. Mais la corrélation n'est pas une explication. C'est-à-dire que on attend l'explication. Du coup, on ne part pas de l'explication pour décrire. On essaye de trouver une explication après avoir décrit. Pourquoi pas, je veux dire, ça peut être très intéressant. Sachant que le contexte, c'est quand même la multiplication des événements extrêmes liés au réchauffement climatique, qui avait été annoncé dès le début des travaux du GIEC. Ça se produit aujourd'hui, et donc la prévision serait d'autant plus précieuse. Olivier Lascar. On parle de la description des phénomènes actuels qui sont liés au dérèglement climatique et à leurs prévisions. Ça évoque aussi un autre travail qui a été fait dans la semaine écoulée sur les différents modèles qui sont utilisés et qu'utilise le GIEC. On s'est rendu compte que malheureusement, les modèles qui sont le plus alarmistes, ceux qui prévoient des hausses de température les plus élevées, sont ceux qui sont sans doute le plus proches de la réalité. Et illustre le fait que plutôt que de redouter les plus 3 degrés, on devrait plutôt avoir peur d'arriver au plus 5 degrés. Et ça montre aussi les limites de l'expression de ces sujets dans la sphère médiatique, pour nous tous les journalistes, pour les politiques, etc. Puisqu'on entend tout le temps parler des plus 3 degrés qui correspondent à une moyenne. En fait, c'est plutôt plus 2 d'ailleurs. Hein. Officiellement, en 2015, c'était bien plus 2 et même 1,5 qui était souhaité ou visé. Oui, vous avez raison, Michel. Mais à chaque fois, c'était la moyenne, on prenait la moyenne. Et on a interrogé, par exemple, dans Science et Avenir, le grand climatologue Hervé Le Trotte sur cette question-là, et qui disait qu'il n'y a aucune raison scientifique pour laquelle on devrait prendre la moyenne des augmentations des valeurs. Ouais. Deux sujets, deux études qui pour moi résonnent un petit peu ensemble et qui montrent qu'on a du pain sur la planche sur la question des modèles algorithmiques. Et un décalage de plus en plus grand entre finalement la synthèse que font les scientifiques de cette projection à 2100 et la réalité ou les objectifs politiques qui restent à 2 degrés, alors qu'on a déjà augmenté la température de 1 degré à peu près aujourd'hui par rapport à 1850, et que donc la probabilité d'arriver à 2 degrés est quasi nulle. On est dans une assez grande schizophrénie, parce que prenons par exemple les projections du GIEC, quand les spécialistes évoquent les solutions qu'il faudrait mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique, elles travaillent toutes sur des considérations qui feraient que, par exemple, on aurait des techniques de captation du gaz carbonique, du CO2, qui seraient opérationnelles. Or, dans le monde réel, il n'y a plus de prototypes qui tournent aujourd'hui pour tester ces solutions-là. Total avait à Lac un site prototype sur lequel ils avaient fait abondamment de la publicité en disant « Regardez, c'est formidable ce qu'on fait, etc. » Le site a été abandonné, il ne tourne plus. Donc, on a d'un côté les discours qui expliquent comment il faudrait faire pour limiter le réchauffement climatique avec des techniques dont on dit qu'elles arriveront à maturité à un certain moment, mais aujourd'hui, on ne les teste même pas, on ne les éprouve même pas. Donc, c'est à marcher sur la tête, quoi. Sachant que les émissions de CO2, elles, continuent à progresser chaque année, malgré les efforts de pas mal de pays, en Europe en particulier, mais avec le développement démographique, ne serait-ce que cela, c'est très difficile de revenir en arrière, voire de diminuer les émissions que l'on émet chaque année. D'autres réactions sur Cécile Lastienne? Non, pas le climat. Si, on en avait effectivement déjà parlé. On ne peut que constater cette schizophrénie dont vient de parler Olivier, et l'urgence qu'il y a, je pense, à faire pression sur les politiques pour qu'ils prennent des décisions, mais pas uniquement. Enfin, il faut aussi balayer devant sa porte. Je pense que ça ne se fera que si chaque citoyen s'empare du sujet. La méthode scientifique. Michel Alberganti. Il est 16h18 sur France Culture et nous allons partir plutôt vers l'espace et nous projeter moins loin que l'exoplanète dont Zoé ne nous a pas parlé aujourd'hui mais qui a été découverte assez récemment. Là, c'est vers Mars qu'Olivier Lascar nous emmène avec la mission Mars 2020 qui, comme son nom l'indique, sera lancée en juillet 2020 avec à son bord un nouveau rover doté pour la première fois d'oreilles pour nous permettre de savoir ce qu'il se dit sur la planète rouge, n'est-ce pas, Olivier Lascar? Oui, absolument. C'est vraiment la grande spécificité de cette mission qui s'appelle Mars 2020. C'est que le robot qu'elle va porter en son sein et qu'elle va déposer sans encombre, on l'espère, sur la planète rouge, il aura un microphone planétaire comme le disent les astrophysiciens et les planétologues. Donc c'est l'héritier, je vous coupe, de Curiosity, alors que on n'a pas son nom pour l'instant à ce nouveau. Oui, le nom n'a pas été encore déterminé, mais c'est vrai que si on regarde deux photos, hein, de Curiosity tel qu'il existe aujourd'hui et du rover, du futur rover de Mars 2020 tel qu'il, ce à quoi il devra ressembler prochainement, c'est exactement le même, hein, c'est un à s'y clone. Méprendre, un véritable clone. La seule une des différences, c'est qu'au niveau du mât, puisque lui aussi a un mât comme Curiosity qui se termine par ses caméras qui lui donnent une sorte de petite tête, il a un tout petit dispositif qui est absolument invisible, puisqu'il fait 3 cm de long pour 50 grammes, et qui est ce fameux micro qui va pouvoir, pour la toute première fois, enregistrer les sons sur Mars. Alors, il faut dire que l'idée d'aller mettre un micro sur Mars, c'est un projet que les scientifiques poursuivent depuis de nombreuses années, depuis une vingtaine d'années, et c'est vraiment l'histoire d'un rendez-vous manqué. Puisque déjà en 99, un atterrisseur martien était pourvu d'un dispositif de captation du son. Malheureusement, il s'est écrasé. Donc évidemment, on n'a pas pu le tester. D'autres projets ensuite ont été élaborés et qui devaient eux aussi être munis de dispositifs de prise de son. Ils ont été abandonnés pour des questions de coût. Et très récemment, c'est le cas par exemple de Schiaparelli. On se rappelle de Schiaparelli, de la mission ExoMars qui a péri tragiquement sur la planète rouge l'année dernière, en 2016. Et Schiaparelli devait lui aussi avoir un dispositif de prise de son. Finalement, il n'en était pas pourvu. Comme de toute façon, il a explosé au sol, on n'aurait pas pu voir ce que ça... C'est la malédiction du microphone. Et le pire, c'est peut-être le dispositif MarsNet Lander, qui... lui avait son micro, qui est parti sur Mars avec son micro, et une fois qu'il est arrivé sur Mars et que les ingénieurs de la NASA l'ont testé, ils se sont rendus compte que la mise sous tension du micro générait des interférences avec un autre instrument scientifique qui était considéré plus important. Donc on a décidé de laisser le bouton du micro sur off, et on n'a jamais pu voir ce que ça donnait. Tout ça pour dire que maintenant, avec Mars 2020, si la mission... atterrit sans difficulté sur Mars, on pourra entendre ce qui s'y passe. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur Mars, on n'a pas du tout la même atmosphère que sur Terre. Et or, l'atmosphère est essentielle pour propager le son. Oui, il faut rappeler que le son, qu'est-ce que c'est ? C'est une vibration mécanique, et à ce titre, elle a besoin d'un support. Milieu, d'un support matériel pour se propager. Effectivement, sur Mars, l'atmosphère est très différente de ce qu'elle est sur Terre. Elle est bien moins dense et au niveau de sa composition chimique, elle est très différente. L'atmosphère martienne, elle est composée à plus de 96% de dioxyde de carbone. Alors que sur Terre, même si la part de CO2 augmente, on n'en est qu'à 0,04%. Or, les molécules de CO2, elles ont la capacité d'absorber... les ondes acoustiques qui sont dans le domaine des aigus. Ce qui veut dire que sur Mars, on n'entendrait pas une conversation humaine parce qu'elle serait trop rabotée. C'est un petit peu le phénomène absolument inverse de celui qui est produit par une inhalation d'hélium sur Terre, où la voix devient très haut perché, très aiguë. Là, c'est absolument le contraire. On parle comme des barytons. Si c'est bien les barytons qui parlent bas, je ne sais plus. Donc effectivement, le son est extrêmement déformé. En plus, comme le milieu est très peu dense, il se propage vraiment à de faibles distances. À 20 mètres de distance, on n'entendrait pas une conversation de la même façon. Là, il se déplace plus lentement, en fait. Et il se déplace plus lentement. En revanche, entendre du bruit sur Mars, ça a plusieurs intérêts. Le premier, pour l'évacuer, il est médiatique. Et il va participer de l'engouement que pourra avoir le public pour cette mission qui pourrait être considérée comme une énième mission sur Mars. Qui est très important en termes de budget parfois, l'impact médiatique. Oui, et puis qui peut avoir des répercussions sur la façon dont les citoyens vont se saisir de thématiques scientifiques et technologiques. Donc ça peut avoir des fruits très, très féconds et très intéressants. Or là, Imaginez la restitution de l'atterrissage de ce rover sur Mars, avec à la fois les images qui montreront le sol se rapprocher au fur et à mesure de l'arrivée du rover vers le sol, et le son des vents tourbillonnants, vibrionnants, hurlant aux oreilles de ce rover. Ça peut avoir un effet digne d'Hollywood et meilleur qu'Hollywood, puisque là, ce seront des images réelles. Donc ça veut dire que malgré l'atmosphère et donc les caractéristiques que vous avez citées, c'est-à-dire une vitesse de propagation plus lente, un spectre aussi beaucoup plus orienté vers les graves, on va avoir une information sonore intéressante qui correspond à ce qui se passe sur Mars au moment où le micro va capter ces informations. Oui, ça donne des informations sur Mars, sur la composition de l'atmosphère, sur la composition de l'atmosphère aux basses altitudes, puisque ça sera au niveau où se situera le mât du rover. En différents endroits, c'est une différence importante avec les atterrisseurs dont je parlais tout à l'heure, qui devaient se poser sur Mars et ne pas bouger de l'endroit du site d'atterrissage. Là, le rover, par définition, va évoluer sur le sol de la planète rouge, et donc on va pouvoir entendre le son en différents endroits, et donc en déduire la composition atmosphérique en différents endroits. Mais ce qui est très intéressant aussi, et ce qui a même été déterminant dans le choix de la NASA et dans sa volonté d'équiper ce futur rover de ce dispositif, c'est que ce micro va permettre d'en savoir davantage sur la composition des roches de la planète rouge. Parce qu'il va fonctionner en binôme, en coordination avec un autre dispositif qui est un laser, alors qui est un peu plus familier aux gens qui s'intéressent à ces histoires-là, parce que aujourd'hui, Curiosity est déjà équipé d'un laser, mais sans le micro. Le laser tout seul, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tirer sur les roches martiennes, il va les porter à très très haute température, de l'ordre de 8000 degrés. Les roches vont se vaporiser, cela va former un plasma, et à l'aide de spectromètres dont est équipé le rover, on va pouvoir savoir quelle est la composition chimique des pierres martiennes. Là, le micro va pouvoir, en coordination avec le laser, écouter le bruit de l'impact. La façon dont la pierre, le bruit qu'elle fait quand elle prend feu, quand elle prendra feu. Ah, puis un impact laser avec le son, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, effectivement, on est dans Star Wars. Mais là, on sera plus dans Kubrick, parce qu'il y a l'aspect scientifique qui sera très fort, puisque en fonction du bruit, on pourra savoir quelle est la dureté de la pierre, si on est dans de l'argile, si on est dans du basalte, quel est le pourcentage d'eau qu'il y a à l'intérieur. Donc ça donne vraiment des informations scientifiques primordiales pour cette mission, puisque cette mission a quand même un but principal, qui est celui de l'exploration de la vie sur Mars. Qu'est-ce qu'elle a pu être dans le passé ? Ce qui était un peu l'un des objectifs essentiels des précédentes missions. Oui, mais là, ça se perfectionne. Il devrait mettre le paquet sur cette question-là. Est-ce que ça sera finalement les premiers bruits de l'espace ? On sait que dans l'espace lui-même, le bruit a du mal à se propager, comme d'ailleurs en 2001, l'Odyssée de l'espace nous l'a appris, parce qu'auparavant, et encore après d'ailleurs, on a vu des fusées et des vaisseaux spatiaux faire un vacarme assourdissant, se déplaçant dans le vide. Et donc, à cause aussi des échecs dont vous avez parlé, finalement, est-ce qu'on a déjà capté des sons dans l'espace ? Alors d'abord, Michel, puisqu'on parle de référence cinématographique, on est obligé de parler d'Alien, puisque la phrase clé d'Alien, c'est « dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Absolument. Qui illustre bien la difficulté qu'on a à entendre quoi que ce soit dans l'espace. Il y a déjà eu des enregistrements sonores dans l'espace avant Mars. Jamais sur Mars, mais avant Mars 2020, on a pu enregistrer des sons sur Vénus et sur Titan, la lune de Saturne dont il a été question dans le journal de Zoé. Là aussi, c'était par le truchement de sondes qui ont été déposées au sol de ces astres. Pour Vénus, c'était grâce à deux sondes soviétiques. Mais là, la prise de son a été très fugitive, parce que ces dispositifs n'étaient pas équipés pour résister aux températures démoniaques qui règnent sur Vénus. Les sondes sont arrivées au sol de Vénus, elles ont enregistré le son quelques fractions de secondes, peut-être quelques minutes, je n'en souviens plus. Mais elles étaient dans un environnement à plus de 400 degrés. Elles ont cuit comme dans des petits fours laissés au four. Donc ça n'a pas été très long. Il faut peut-être, je ne sais pas si on l'a signalé, mais mentionner que ce nouveau microphone envoyé sur Mars est de fabrication française. C'est l'Instant Cocorico, effectivement. C'est un dispositif français qui a été conçu à Toulouse pour un projet de la NASA. Donc la NASA a fait un appel d'offres. Les ingénieurs de SupaAero, de l'IRAP, du CNES, donc ont répondu à cet appel d'offres et l'ont emporté. Le micro, au niveau de ses capacités techniques, n'est pas révolutionnaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un dispositif de prise de son extrêmement perfectionné pour des professionnels sur Terre qui en auraient besoin pour des enregistrements de concerts, des choses comme ça, trouverait des dispositifs à capacité équivalente. Ce qui est très particulier avec le microphone planétaire dont on parle ici, c'est l'électronique qui le compose et qui est de nature à résister aux très très basses températures de la planète rouge. Il est notamment composé d'un élément qui s'appelle le manganin et qui est un élément qui a la capacité de conduire l'électricité, mais pas la chaleur. Il n'y a pas d'effet joule. Donc, quand sur Mars, la température la nuit baisse à moins 140 degrés, eh bien, ça reste une température extérieure et le micro restera, lui, à, au maximum, peut-être moins 50 degrés. Alors, peut-être une très très vite, très rapidement, une réaction, Cécile Lestienne. Ou Romain Jamais, en non, quelques mots. Moi qui suis très sensible aux sons, c'est pour ça que j'écoute toujours la radio, je suis ravi d'apprendre qu'on va avoir des sons de l'espace. Et puis, historiquement, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites par le son et qu'on ne percevait pas par la vue. Il y a Galilée qui a fait des expériences avec le son. Il y a récemment une astrophysicienne qui est devenue aveugle et qui a trouvé des trucs par le son. Je trouve ça très sympa. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc, une perspective de découverte peut-être par le son. Moi, juste pour la curiosité, je suis beaucoup plus curieux d'avoir le son de Mars que d'avoir des photos. I Heard the Sign par Cortex à 16h33 sur France Culture où après les oreilles sur Mars, nous allons nous mettre à l'écoute de notre conscience avec une technique qui permet pour la première fois de la mesurer, Cécile Lestienne. Oui, c'est une question très importante, qui est la possibilité de mesurer la conscience quand les personnes ont l'air, en tout cas, d'être inconscients, et qui se pose de plus en plus souvent de nos jours, parce que, heureusement par ailleurs, la médecine a fait tellement de progrès qu'effectivement, on arrive à sauver, au moins pendant quelque temps, des gens qui ont eu des graves traumatismes crâniens, ou des AVC, ou des intoxications, et ensuite, il se retrouve dans un état où, effectivement, il est parfois difficile de savoir si la personne est totalement inconsciente ou si elle a un certain degré de conscience. Et ça, effectivement, oriente ensuite la prise en charge, les soins ou, au contraire, des décisions plus dramatiques. Longtemps, on a pu considérer qu'elle n'avait plus de conscience du tout dans cet état qui est parfois végétatif. Donc, qu'est-ce qui a changé dans notre perception de leur état et comment... peut-être avons-nous été amenés à nous interroger sur même le degré de conscience de ces personnes. L'état végétatif, je crois que c'est effectivement ce qu'on utilise souvent, mais que les médecins n'aiment plus beaucoup. Ils préfèrent syndrome d'éveil non répondant, parce que végétatif, ça fait un peu légume quand même. Et peut-être que voilà, ça laisse sous-entendre que la personne n'est plus une personne, et si c'est une personne, en état d'éveil non répondant. Non, la question se pose depuis longtemps parce qu'effectivement, il est très difficile le mesurer. Et alors, on ne parle pas du tout là du Longtin syndrome, donc qui a été très mis en avant par le scaphandre et le papillon. On ne parle pas là de gens qui sont complètement conscients, mais qui, parce qu'ils sont paralysés, ne peuvent plus communiquer avec l'extérieur. Là, on parle de gens qui, effectivement, sont inconscients ou aux frontières de la conscience. Donc ce qui mérite d'ailleurs... Oui, un traumatisme crânien, des choses comme ça, quoi, les causes de cet état. La plupart du temps, c'est ça. En tout cas, dans nos pays à nous, ce sont les traumatismes crâniens qui, je le rappelle, est la première cause de mortalité des jeunes gens en France, ou des AVC, ou parfois des intoxications, parfois des infections, des grosses méningites, bon, des choses qui font que qu'effectivement, le cerveau, à un moment ou à un autre, s'est mis en berne. Et est-ce qu'il va se réveiller ou pas se réveiller, si le terme est exact, parce qu'il ne s'agit pas de veille-sommeil, mais de conscience-inconscience. Alors, il faudrait pouvoir définir ce qu'est la conscience, qui est un problème aussi philosophique qu'on n'a toujours pas résolu, comment la matière devient conscience. Mais il y a quand même aujourd'hui des façons d'aborder le problème un peu différemment, parce qu'on a effectivement déjà des instruments depuis un moment pour essayer de mesurer l'activité du cerveau. L'électroencéphalographie, ça date déjà des années 40, et puis tous ces instruments que sont l'IRM, l'IRM fonctionnel, la TEP, voilà, donnent des indications, mais ne permettent pas de tout voir. Et là, dans ce dossier, nous avons interrogé trois grands chercheurs spécialistes de ce domaine. Christophe Corr, qui travaille à l'université de Madison, Stephen Lawrence, qui est à Liège, l'université de Liège, qui je crois est intervenu d'ailleurs dans cette émission il n'y a pas si longtemps, et Lionel Nakache, qui est donc à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Alors ils ont des approches un petit peu différentes, mais qui sont pas contradictoires. Voilà, donc notamment Christophe Corr a fait toute une série d'expériences avec une bobine de fil électrique qui permet d'envoyer une impulsion électrique dans le cerveau. Et ensuite, on met des électrodes sur la tête. Pas ensuite, c'est préparé d'avance, évidemment, c'est moi qui m'explique mal. Mais voilà. Et toutes ces électrodes enregistrent le circuit électrique derrière. Et ensuite, en se fondant sur... les travaux de Giulio Tononi, qui a une des premières théories de la conscience, qui permet de dire que la conscience est une faculté d'intégration et de discrimination, c'est-à-dire que la conscience est liée au fait que vous pouvez intégrer plein d'informations en même temps. Là, dans ce studio, vous voyez les différentes personnes, les micros, la fenêtre. Là, vous avez chaud, vous avez froid, vous ressentez tout ça. Et qu'en même temps, vous êtes effectivement capable de distinguer que vous avez froid et que vous voyez Olivier en face de moi. Mais c'est une pensée et ce n'est pas une pensée éclatée. Hein. Et à partir de là, donc, il a mesuré tous les circuits électriques. Et grâce à un algorithme particulier, il a réussi à en tirer... un seuil qui permettrait de dire qu'en dessous, on est inconscient, au-dessus, on serait conscient. Et il l'a étalonné sur des gens en bonne santé, évidemment, qui étaient dans différents états, en sommeil profond, en sommeil paradoxal, anesthésié, réveillé, enfin tous les états possibles, voilà, pour essayer de voir jusqu'à quand, à quel niveau se situait la frontière entre la conscience et la conscience. Je parle bien de frontière parce que pendant longtemps, on a estimé que la conscience était une question, conscience-inconscience, c'était une question de tout ou rien. On n'est pas dans tout ou rien, évidemment, on est plus dans un continuum, voilà. Mais voilà, si on pouvait essayer de mettre une frontière, voilà, et une frontière qu'il appelle le PCI, voilà, et qui serait à 0,31, voilà. Et ensuite, en appliquant cette méthode à des personnes qui étaient effectivement en état de conscience minimale ou en état d'éveil non répondant, il a pu vérifier que ça fonctionnait pas si mal. L'algorithme n'a pas toujours fonctionné, mais quand même, on s'en approche. Et ça serait une façon, donc, de pouvoir mieux prendre en compte l'état des patients. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup dans les hôpitaux aujourd'hui et on ne sait pas toujours comment les prendre en charge. Donc c'est cette technique zap and zip que c'est vous ça, expliquez. Voilà. Donc on envoie un choc électrique. C'est le zap et le zip, c'est parce que c'est un algorithme de compression. Voilà, et donc on obtient un résultat. Donc 0,31, non. Ben ça va, on est conscient. On est à la frontière de la conscience. À la frontière, donc il vaut mieux avoir un peu plus pour être sûr d'être vraiment conscient. Et en dessous, ça veut dire qu'il y a une gradation aussi dans le degré de conscience. C'est ça qui est sans Bien doute sûr. Très important pour pouvoir adapter des soins à des patients. Oui, ça permettra très probablement d'améliorer aussi la prise en charge. Lionel Lacache et son équipe ont une autre approche, mais qui se ressemble aussi. Ils enregistrent notamment des signaux auditifs qu'ils envoient, pareil avec des électrodes, voilà. Et avec un autre algorithme, il arrive aussi à séparer ceux qui seraient conscients de ceux qui seraient inconscients. Et d'ailleurs, il a pu montrer que ceux qui sont inconscients, l'activité qu'on mesure est essentiellement sous-corticale. Et que ceux qui seraient conscients ont une activité corticale, ce qui ne paraît pas aberrant d'ailleurs, parce qu'effectivement c'est à ce niveau-là que sont les aires associatives qui nous permettent d'intégrer toutes les informations. Par rapport à la définition de la conscience, est-ce que lorsque nous dormons, nous perdons cette conscience? Est-ce que nous la retrouvons au moment du réveil? Ou est-ce que les choses sont beaucoup plus subtiles que cela? C'est un petit peu plus complexe, mais en sommeil profond, on peut dire que vous avez perdu conscience. Lorsque vous êtes en sommeil paradoxal, lorsque vous rêvez, on dit que vous êtes conscient. C'est un état de conscience particulier, effectivement, mais vous n'êtes pas inconscient. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des stratégies pour, par exemple, des personnes qui seraient avec un degré de conscience proche de ces 0,31, mais en dessous, est-ce qu'il y a des stratégies thérapeutiques qui pourraient leur être appliquées pour les aider à retrouver une conscience normale, on va dire? Oui. Enfin, il y a des pistes, on va dire, de prise en charge. Ces possibilités nouvelles de pouvoir mesurer la conscience sont très intéressantes. En même temps, c'est compliqué et cher, donc on va pas le faire à tout le monde tout de suite. Hein, voilà. Mais comme vous le savez, c'est souvent des cas de conscience terribles. Ces malades qui peuvent rester pendant des mois, des années, comme ça, sur un lit d'hôpital, sans pouvoir communiquer avec leurs proches ou très peu. Voilà. Donc, c'est des questions très difficiles. C'est pas en mesurant une conscience à 0,31 de PCI qu'on va décider quoi que ce soit, évidemment, sur la personne. Mais ça donne un élément en plus que l'on peut effectivement corréler avec d'autres mesures qu'on fait en IRM ou tout ce que vous voulez pour est-ce savoir. On peut mesurer si, une progression, par exemple. Est-ce que ça oui. fait sens de mesurer oui. une progression de cette tout conscience? Tout à fait. Et ça, on peut le mesurer aussi à différents moments parce qu'effectivement, il semblerait que notamment les gens qui sont dans ces états de conscience-là, minimales, n'ont pas le même état de conscience tout au long de la journée. Donc il faut le faire plusieurs fois aussi pour savoir effectivement et voir si ça peut progresser. Après, ça peut peut-être aider la famille et le corps médical à prendre certaines décisions difficiles ou pas. Et puis, ça peut aussi, en revanche, essayer de mieux prendre en charge les personnes qui ont un état quand même de conscience suffisamment élevé pour se dire qu'il y a peut-être une chance que ça s'améliore. Et là, il y a des pistes à suivre. Il y a des nouvelles pistes qui sont justement une simulation électrique du cerveau, ce que Stephen Lawrence fait en Belgique. Il y a la stimulation du nerf vague, dont on a pas mal parlé, qui a été faite à Lyon il y a pas longtemps. Donc le nerf qui relie l'estomac, le ventre au cerveau. Et le cerveau. Tout est dans le ventre aujourd'hui, comme vous le savez. Oui, ça se développe beaucoup. Voilà. Il y a aussi des pistes pharmacologiques qui sont assez peu développées. Peut-être parce que c'est compliqué, effectivement, mais parce que là, on a parlé que d'activité électrique du cerveau, mais bon, le cerveau, c'est un tas de cellules très compliquées qui baignent dans un bain de neurotransmetteurs et de molécules diverses et variées. Et donc, il y aurait sûrement des choses à chercher de ce côté-là. Donc, non, c'est pas que... demain qu'on va réveiller tous les gens qui sont plongés dans le coma, malheureusement, mais voilà, c'est des pistes pour améliorer. Vous dites que ça revient cher, ce test, cette mesure? Oui, le test utilisé par Christophe Corre et Steven Lorès, oui, la machine elle-même coûte cher, un demi-million, je crois. Enfin, c'est pas une raison pour s'arrêter là. Et puis, vous savez, c'est toujours la même chose. La mise en place de certains protocoles coûte de l'argent et puis après, c'est un peu différent. Peut-être une ou deux, plusieurs réactions, Olivier Lascar, Robin Jamais, à ces avancées sur la perception et la mesure de la conscience. Olivier Lascar? Moi, il y a un terme que tu n'as pas utilisé, Cécile, et qui m'a frappé dans la lecture du papier, c'est celui de conscienceomètre. Conscienceomètre, oui. Donc, l'idée d'avoir un jour un dispositif comme ça qui permettrait de mettre le curseur au-dessus ou en dessous du fameux 0,31. Si on utilise la méthode de Christophe Corre, après, c'est un petit peu différent pour celle de Lacache. Oui, c'est le mot pour dire que, justement, c'est cette question-là. Est-ce qu'on peut mesurer la conscience? Voilà. Et alors Lionel Lacache travaille, je crois, avec, tu l'as dit, Stanislas Dehaene, un grand neuroscientifique, et qui donnait il y a quelque temps une conférence sur la scène du S3 Odéon, une série de conférences qui ont lieu à Paris, dans lesquelles il expliquait, en ce moment c'est la grande foire à l'intelligence artificielle, aux robots, hein, qu'on leur prête des capacités extraordinaires et un futur tel qu'ils pourront être en compétition avec les humains. Et Stanislas Dehaene disait que cette question de la conscience, qu'on pensait une frontière tellement humaine, inatteignable, pourra un jour accéder aux robots. Oui, je sais que Stanislas Dehaene, pour moi, c'est une question qui reste ouverte quand même, et notamment si on les relie à celle des émotions. Les émotions des robots ne sont pas encore tout à fait au point. La méthode scientifique, Michel Alberganti. Pour terminer cette émission, le sujet que vous attendez tous, le problème qui hante des générations de mathématiciens et de carreleurs, depuis près de 100 ans donc, c'est en effet en 1918 que la question du pavage d'un plan avec des pentagones convexes trouve une première réponse. Mais il a fallu attendre cette année pour qu'un chercheur français mette définitivement un terme à cette quête essentielle, Robin Jamais. À ce suspense insoutenable. Je pense que vous le savez, alors pas tous les mathématiciens, pas dans tous les domaines des mathématiques, mais se posent souvent des questions dont on se demande bien comment ils ont pu se les poser, et où on se dit quand même, il n'y a que eux que ça peut intéresser. J'aimerais quand même juste préciser que ça fait partie des questions... quand on les pose à des gens, il y a souvent des gens qui disent il faut que ça soit appliqué pour que ça intéresse le grand public, etc. Ce qui est relativement faux, c'est-à-dire qu'en fait, quand on pose une question et que les gens commencent à y réfléchir, bah, ils sont énervés comme tout le monde de ne pas avoir les réponses. Après, il y a les gens que ça empêche de dormir qui deviennent chercheurs et puis les autres qui font autre chose de leur vie. Moi, je dors très bien, donc je ne fais pas de recherche, mais je comprends qu'on puisse avoir envie d'avoir la réponse à ça au point d'en faire son métier. En tout cas, oui, alors, Reinhardt, est-ce qu'il a vraiment posé la question en 1918? Je ne sais pas, mais il a fait un papier dans lequel il a parlé des pavages. Alors, il faut que j'explique d'abord ce que sont les pavages. Absolument. Un pavage, c'est en gros un carrelage, mais vu par un mathématicien, ce qui change deux, trois trucs. Les mathématiciens ont comme objectif principal de se simplifier la vie. Quand vous posez un carrelage, il y a deux choses qui posent vraiment du problème, c'est les joints et les murs. Donc un pavage, c'est un carrelage mais sans joint, les pièces sont collées les unes aux autres, et sans mur, donc il est infini, on s'embête pas à découper sur les bords, c'est infernal. Donc c'est les deux différences essentielles entre un pavage et un carrelage. Mais on se pose la question du pentagone, ce qui n'est et pas voilà, simple. Et ce qui est très clair, c'est qu'on peut faire des pavages avec des carrés, ça tout le monde sait faire, et même avec n'importe quel parallélogramme par exemple, ça se voit assez bien, il suffit de prendre un pavage avec des carrés, puis on l'étire un peu, on le déforme un peu, on peut faire plein de formes avec ça, qui vont réussir à paver. En fait, on peut même paver avec n'importe quel quadrilatère, ça se montre assez rapidement. Avec n'importe quel triangle, si vous prenez une copie d'un même triangle, vous pouvez toujours vous arranger, il suffit de le mettre tête bêche pour faire un parallélogramme. Vous mettez les parallélogrammes côte à côte, vous faites des grandes bandes, vous empilez les bandes, on peut faire un pavage avec n'importe quel triangle, ce qui serait quand même, vous l'admettez, un tout petit peu plus original que juste les carrés. Donc trois côtés, quatre côtés, tout va bien. Tout va bien, 6 côtés, on connaît tous les hexagones réguliers. Voilà. Voilà. 5 côtés, a priori, le pentagone régulier, on ne peut pas paver avec, parce que si on met 3 pentagones réguliers autour d'un même sommet, il reste un peu de place, mais pas assez pour en mettre un quatrième. 3 hexagones réguliers, ça comble bien un espace. 4 carrés, ça comble bien un espace. L'angle du pentagone régulier fait que 3, c'est pas assez, 4, c'est trop. Donc on ne peut pas. Mais on peut paver avec d'autres pentagones que le pentagone régulier. Alors, vu que c'est un sujet extrêmement radiophonique, bien sûr, j'encourage tout le monde à se saisir d'un papier et d'un crayon pour essayer de trouver des solutions à ce problème. La première solution, a priori, qui vient, c'est de dessiner une sorte de maison. Vous faites comme un début de carré, et puis à la place du quatrième carré, vous faites un toit. Ben ça ressemble à une maison. Si on met des maisons comme ça côte à côte, et puis après on les met tête en bas, on peut faire assez rapidement des frises, et en empilant des frises, on fait un pavage du plan. Donc il y a des pentagones avec lesquels on peut paver, et des pentagones avec lesquels on ne peut pas paver. Donc la vraie question, c'est de savoir combien de formes il existe. Exactement. Quels sont tous les pentagones avec lesquels on peut paver ? J'admets, encore une fois, que ce soit une question qui vous laisse froid, mais une fois qu'on a posé la question, on a envie d'avoir la réponse. Et surtout, ça a occupé... Ça a occupé beaucoup de monde. Alors, le mathématicien Karl Reinhardt, en 1918, a proposé 5 pentagones, ou plutôt 5 types de pentagones. En fait, c'est des familles entières. Par exemple, il suffit qu'un pentagone ait 2 côtés parallèles pour pouvoir être sûr qu'il pave. On peut donner un plan d'assemblage que vous pouvez suivre pour faire votre carrelage. Et donc, il a donné 5 descriptions de pentagones en disant, par exemple, si tel et tel côté sont de même longueur, si l'angle ici est de 120 et que les côtés ici sont parallèles, etc. On peut faire des pavages avec ça. Il n'a pas vraiment démontré que c'était les seuls, mais voilà, pendant des années, tout le monde s'est dit qu'il avait bien travaillé, qu'il avait fait le travail convenablement. Et dans les années 60, un autre mathématicien, Kirchner, reprend ce travail-là et se rend compte que Reinhardt, en fait, avait oublié des pentagones. Alors, je ne peux pas expliquer rapidement pourquoi, mais il se trouve qu'il y a une explication plausible au fait qu'il ait oublié cela. C'est les pavages que Kirchner rajoute en 1968 ont une propriété particulière que ceux de Reinhardt n'avaient pas. C'est probablement ça qui fait qu'il ne l'avait pas proposé. Et Kirchner donc publie la liste des 8 pentagones, 8 types de pentagones avec lesquels on peut paver. Et il ajoute qu'il a démontré qu'il n'y en a pas d'autres avec lesquels on peut paver, mais que je ne vous l'impose pas, la démonstration, elle est un peu laborieuse, elle est très technique, elle n'a pas grand intérêt, faites-moi confiance. Et donc, ça reste comme ça pendant un petit moment. Et il se trouve que Martin Gardner, qui est une personne des plus importantes dans la vulgarisation des mathématiques, publie ce résultat qui est assez joli, puis assez, avec des images, c'est sympa tout ça, dans la revue Scientific American. Ça arrive notamment chez un étudiant en informatique qui a un très très beau réflexe. Il dit « Ok, il y a 8 pentagones avec lesquels on peut paver, j'ai compris le problème, je ferme le magazine, je les trouve. » Il trouve 8 pentagones avec lesquels on peut paver, sauf qu'il y en a un qui n'est pas le même. Donc ça veut dire qu'il y avait une erreur dans la démonstration que Kirchner n'avait pas publiée. Donc deuxième rubrique de Martin Gardner, quelques mois plus tard, où il dit « Tiens, il y en a un qui manquait ». Une mère de famille sans diplôme particulier tombe sur l'article, voit les dessins, trouve que c'est très joli, et donc commence à griffonner sur un bout de papier et trouve 2 autres solutions oubliées par donc Kirchner et pas trouvées par James l'étudiant. Donc là quand 10. Même, nous en sommes à 10, c'est bien, il y a quelqu'un, 11, attendez, 11, bougez pas. 8, 9, 10, 11. 11, 11, 11, normalement, voilà. Ouais. Un peu plus tard, Marjorie Rice continue à chercher comme ça, elle commence à mettre ses méthodes au point, elle en trouve 2 autres. Voilà, elle était très en forme, cette dame. Elle est morte il y a très très peu. Elle avait fait un site avec des dessins, des papillons et tout, des pavages de toutes sortes. Alors évidemment, plus personne n'ose dire qu'il n'y a pas d'autre solution, hein. Je veux dire, là, ça rend un petit peu humble. En 1985, il y a un thésard en mathématiques qui s'appelle Rolf Stein, allemand, qui trouve une nouvelle solution au problème et qui démontre que c'est la dernière. Et au bout de quelques mois, on se rend compte qu'il y a une erreur dans sa démonstration. Donc ça, c'est en 85, d'où le fait que l'histoire n'est toujours pas finie. Alors évidemment, en 85, on trouve une solution. On se dit quand même, ça devient de plus en plus dur d'en trouver. Peut-être quand même, on en voit le bout. Mais pendant des années, on n'en trouve plus. Et en 2015, une équipe de 3 chercheurs américains trouve encore une nouvelle solution. Pour la trouver, ils se sont servis de l'ordinateur. Ils ont eu besoin d'énormément de calculs sur ordinateur pour trouver cette nouvelle solution. Bien, là, ils n'ont pas dit que c'était la dernière solution. Et il se trouve que Michael Rao, qui donc vient de mettre un point final à cette histoire, est informaticien et non mathématicien et travaille sur des problèmes de pavage qui ne sont pas exactement ceux-là. Mais quand il voit le résultat de 2015, la dernière solution, il se dit « Ah, donc avec de l'informatique, en fait, en s'y prenant comme ça, on va pouvoir éventuellement chercher de nouvelles solutions de façon automatique. Ils ont bien programmé leur truc, mais je peux peut-être faire mieux. Alors, c'est peut-être intéressant, j'ai le temps, deux minutes de... Allez-y. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris une autre description des pentagones. Il a dit, en gros, le fait de pouvoir paver, ça donne de grosses contraintes sur la forme du pentagone. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste cherché quelles contraintes ça donnait sur les angles, uniquement, et pas sur des côtés parallèles ou quoi. Donc en fait, au lieu de trouver 15 familles, il en a trouvé beaucoup plus, 371 familles. Et il a dit, voilà, un pentagone qui peut paver appartient forcément à l'une de ces 371 familles qui ont des contraintes sur les angles. Je rentre pas dans les détails, évidemment. Et ensuite, il n'a pas réussi à trouver comment prouver que dans ces 371, il n'y avait pas une nouvelle forme, tout ça. Et comme il est informaticien, le naturel a repris le dessus. Un informaticien, par défaut, il utilise la force brute et il dit « je vais programmer tout ça ». Et donc, il a trouvé une façon de programmer qui fait qu'avec chacun de ces pentagones, l'ordinateur a essayé de faire un pavage et soit bloquait, soit continuait. Et donc, prouvait que c'était possible de paver. Et puis, il était bien déçu, mais il n'a pas trouvé de nouveau pentagone, et le programme n'a pas planté, et il a vérifié qu'il n'y avait pas d'erreur dans le programme, et il n'y avait pas d'erreur dans la démonstration, et donc il n'y aura plus jamais de nouveau pentagone qui permet de paver, qui sera découvert, puisque ça y est, la liste est finie, c'est prouvé, depuis, en gros, cet été. Voilà, c'est formidable, c'est que, en mathématiques en tout cas, il y a des moments où le problème peut s'arrêter et avoir une solution définitive, semble-t-il, à moins. Alors, a priori, là, quand même, il a pris le temps. Hein. Il était un peu échaudé, quand même, parce que les histoires précédentes, il a pris le temps de vérifier. Et ce que j'aimerais aussi raconter, juste pour finir, c'est que ce problème-là peut paraître complètement anodin. Je rappelle que dans les années 70, les mathématiciens se sont donné un jeu tout à fait similaire qui était « Est-ce qu'on peut faire un pavage non périodique ?» C'est-à-dire qui n'est pas comme un papier peint où on prend un morceau qu'on se contente de répéter pour avoir l'intégralité du papier peint, et qu'une dizaine d'années plus tard, les chimistes leur ont dit merci, puisque ça leur a permis de décrire ce qu'on appelle les quasi-cristaux aujourd'hui. Et ils avaient fait ça uniquement par jeu, et ça a trouvé des applications. Donc, comme toujours en maths, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, effectivement, d'une application pourra s'inspirer peut-être de cette limite de 15 pentagones qui permettent le pavage d'une réaction très rapide de l'un ou l'autre de vous deux, Olivier Lascar. Moi, j'ai des sueurs froides dès que je rentre dans un magasin de bricolage, donc je suis admiratif devant ces prouesses. J'aime bien le fait que ce soit par le biais d'une publication dans une revue que le problème a connu un déblocage important. Hein. Vive la presse et vive la vulgarisation. Cécile Lassienne. Je peux faire référence à notre dernier numéro, notre numéro précédent, dans lequel effectivement notre chroniqueur de maths préféré, Jean-Paul Delahaye, a fait tout un papier sur le pavage avec les pentagones, avec plein de jolis dessins, parce qu'effectivement, c'est pas très radiophonique. Des dessins en couleur qui montrent effectivement les 15 types qui ne sont pas forcément intuitifs, a priori, à part la petite maison. À part la maison, assez rapidement après, voilà. On est obligé de faire confiance, hein. faut bien connaître. Alors malheureusement, on approche du terme de l'émission, il nous reste juste quelques secondes pour que chacun d'entre vous peut-être nous dise que le sujet qu'il voit comme étant majeur pour les mois, voire l'année à venir, on est au bord de la fin de l'année 2017, en tout cas. Et donc, je sais pas, Robin Jamais, vous avez une idée de sujet sur l'année à venir, je sais pas, sur les années à venir, je peux juste annoncer que en 2022, il y aura le congrès mondial des mathématiciens qui se tiendra tout le monde le note en France. Donc c'est en 2022, c'est pas l'année prochaine, mais ça commence aujourd'hui. Il est bien de s'y préparer, Olivier Lascar. Un grand rendez-vous du début d'année, c'est qu'au 1er janvier, la vaccination, les 11 vaccins deviennent obligatoires. Donc on attend de voir comment ça va se passer, si les parents vont abonder dans le sens de la loi. Très bien, Cécile Lestienne. Beaucoup plus anecdotique, mais je pense important. Si vous manque un cadeau de Noël, vous pouvez aller surfer sur Internet. Vous tapez les mots T-shirt, le chiffre 7 et Words, voilà. Et c'est, voilà, on trouve aujourd'hui des T-shirts avec les 7 mots que l'administration de Trump a fortement conseillé à l'agence de santé américaine de ne pas utiliser, qui sont vulnérables, droits, diversité, transgenre, fœtus, et en anglais evidence-based et science-based, c'est-à-dire fondée sur la science et fondée sur les preuves. Alors, c'est peut-être ridicule comme anecdote, mais c'est aussi assez orwellien. Je pense qu'il ne faut jamais baisser la garde. Très bien, et merci pour ce conseil de cadeau de dernière minute. Merci à tous les trois, Olivier Lascar, Science et Avenir, un robot martien avec l'image et le son, Cécile Lestienne pour la science, mesurer la conscience est enfin possible, et Robin Jamais pavait le plan avec un pentagone convexe. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Mathieu Lefrançois, Hugo Barthélémy, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Victoria Asper à la technique, Victor Buton au droit d'auteur.